Lévitique chapitre 12. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, si la femme après avoir conçu, enfante un mâle, elle sera souillée pendant 7 jours, elle sera souillée comme au temps de ses mois. Et au 8e jour on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Et elle demeurera 33 jours au sang de sa purification, et ne touchera aucune chose sainte, et ne viendra point au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Que si elle enfante une fille, elle sera souillée 2 semaines, comme au temps de ses mois, et elle demeurera 66 jours au sang de sa purification. Après que le temps de sa purification sera accompli, soit pour fils, ou pour fille, elle présentera au sacrificateur, un agneau d'un an en holocauste, et un pigeonneau, ou une tourterelle, en offrande pour le péché, à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et le sacrificateur offrira ces choses devant l'Éternel, et fera propitiation pour elle, et elle sera nettoyée du flux de son sang. Telle est la loi de celle qui enfante un fils ou une fille. Que si elle n'a pas le moyen de trouver un agneau, alors elle prendra 2 tourterelles, ou 2 pigeonneaux, l'un pour l'holocauste, et l'autre en offrande pour le péché, et le sacrificateur fera propitiation pour elle, et elle sera nettoyée.